International, les titres, présentés par Jean-François Corot. Une femme et ses trois enfants retrouvés morts après le suicide du père dans la Drôme. Le corps sans vie d'un étudiant disparu à Rennes retrouvé en forêt. Une femme retrouvée morte dans un centre équestre dans la Marne. Retrouvée mort dans le Doubs, lardé de 50 coups de couteau. Le jeune homme se serait tué sous l'emprise de la drogue. Déraillement d'un train en Suisse, il y a 7 blessés. La région des Hauts-de-France veut récupérer de l'argent versé à une entreprise américaine. Toujours pas d'accord en vue concernant les contrats courts dans les discussions de l'UNEDIC. Voilà les titres qui seront développés tout à l'heure dans le Flash.